Tu fais partie de mes rêves. Je ne croyais pas qu'une fille aurait tout changé dans ma vie. Tu es si jolie. Je ne sais ce qui se passe en moi. Je ne peux plus me passer de toi. Comme je t'aime, tu ne sais pas. Je ne dors pas. Un jour peut-être tu comprendras que personne avant moi ne t'a aimé comme ça. J'étais parti le cœur si lourd, j'aurais voulu claquer la porte. Tu dis que je suis fou, c'est vrai, mais si je t'aime, que m'importe. Comme je t'aime, tu ne sais pas. Mais sois tranquille, un jour tu comprendras. Je sais qu'il y a d'autres filles, mais tu es la seule dans ma vie. Tu es si jolie que les autres ne comptent pas pour moi. Je ne peux plus me passer de toi. Comme je t'aime, tu ne sais pas. Tellement je t'aime, sans toi je ne dors pas. Un jour peut-être tu comprendras. T'as aimé comme ça. Dans le grand livre de ma vie, à chaque page il y a ton nom. Tu es comme un vent des folies qui m'a fait perdre la raison. Comme je t'aime, tu ne sais pas. Tellement je t'aime, sans toi je ne dors pas. Je ne dors pas.